Et bonsoir, bienvenue à tout le monde, bienvenue sur Radio No Culture. Ça y est, c'est l'été et pour l'occasion, on change un peu notre programmation. On a décidé cette année de vous offrir une petite émission quotidienne dans laquelle je vais vous présenter des chansons qui m'ont marqué, des chansons que j'aime particulièrement. Voilà, j'essaie de faire une sélection assez éclectique pour plaire à tout le monde. Voilà, bienvenue dans été.mp3. Tous les jours, une nouvelle chanson et on va commencer par le maître, à savoir Mikel Laboa, Issa Renaucha, une chanson sortie sur la compilation Ikimilikiliklik 75-78, donc une compilation des chansons sorties entre ces années-là. Celle-là est sortie en 75. Et puis voilà, ça va être la première de cette émission estivale. Je vous présente un petit peu la chanson, on l'écoute ensemble et puis après on va en parler un peu plus posément. Alors c'est parti, on écoute Issa Renaucha de Mikel Laboa. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona. Bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten ametxeroak baztertuz bertan. Sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea. Sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak. On est toujours dans été.mp3, la première édition de ce nouveau format estival. On écoutait Sarenaucha de Mickaël Abois. Voilà pour moi une chanson qui me bouleverse à chaque fois que je l'écoute. Étrangement par les paroles, je suis pas quelqu'un qui apprécie particulièrement les paroles, mais il faut avouer que là c'est quand même sacrément bien écrit. Voilà une chanson qui parle de la vie, de la place de l'homme dans l'univers, etc. Voilà, c'est une chanson écrite au départ par Chabière Lété, mais la première sortie en tant que chanson a été faite par Mickaël Labrois. C'est lui qui a écrit cette mélodie-là. Chabière Lété sortira à son tour, Chabière Lété qui est chanteur aussi, sortira sa version à son tour, je crois, l'année d'après, mais avec une autre mélodie. Mais c'est celle-là qui va rester surtout dans le mémoire, on va dire, dans les reprises surtout. Parce que c'est une chanson qui a été beaucoup reprise. Voilà, Mickaël Labrois avec Issa Renocha, sorti en 75. C'est tout, c'était la première, la petite première de notre format été.mp3. On se retrouve dès demain, toujours à la même heure, 7h du soir, sur Radio Nos Cultures, pour écouter une autre chanson. Cette fois-ci, je sais ce que ça sera, mais je ne vous le dirai pas, que ça, on va garder un peu la surprise tous les jours. Vous allez peut-être découvrir une nouvelle chanson que vous allez aimer, que j'espère que vous allez aimer. Voilà, je peux quand même vous dire où retrouver cette chanson. Ben un peu partout finalement. Mickaël Labrois a été beaucoup réuploadé évidemment sur YouTube. Il me semble que sur toutes les plateformes maintenant, c'est la maison disque qui s'est chargée, j'imagine, qui a mis cette chanson-là en tout cas, et tous les autres sur toutes les plateformes. Donc voilà, Mickaël Labrois Isarena Ocha, c'est le nom de la chanson. Ikimilikiliklik, 75-78, c'est le nom de l'album, donc une compilation des chansons sorties ces années-là, et sortie en 75. Voilà, une petite chanson folk assez simple finalement. Hein. Une guitare qui fait les accords, un piano qui est un peu en, je sais pas comment dire, qui fait une mélodie, mais un peu solo, qui fait pas une mélodie qui est tout le temps la même, et puis un clavier à la fin, imitation violon à la toute fin, pour avoir ce petit côté un petit peu épique quand même, parce que la chanson va assez loin, elle part Isarena Ocha, qui veut dire du coup poussière d'étoiles, donc ils partent assez loin hein, sur sa thématique. Voilà, Mikel Laboa donc avec Isarena Ocha, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cette toute première petite capsule quotidienne, et puis on se retrouve demain. Salut! Et bonjour, bienvenue dans été.mp3, votre émission quotidienne dans laquelle on découvre tous les jours une nouvelle chanson. J'espère avoir été éclectique dans mes choix. Aujourd'hui, on va aller en Inde, puisqu'on va écouter un groupe qui s'appelle Bird of Harmony, qui est un duo donc de guitare, de voix, et je voulais vous faire écouter une chanson que j'ai découvert grâce à YouTube, finalement, qui n'est sur aucun album, qui est simplement une reprise, donc avec une vidéo sur YouTube, et c'est une chanson qui s'appelle White in Two, qui est une reprise du groupe Tool, voilà, sorti en 2018, à savoir qu'il y a un Français, Johan Feffet, je pense qu'on le dit comme ça, qui joue avec eux, qui est lui à la contrebasse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on écoute ça et on en parle après. C'est White in Two, reprise de Tool par Bird of Harmony, sur les toits de je ne sais pas trop quelle ville, Anand. Allez, c'est parti. On a sideline, puzzled and amused. Why did Father give these humans free will? Now they're all confused. Don't these talking monkeys know that Eden has enough to go around? Sitting in this holy garden, silly monkeys, where there's one they're bound to divide. Right into the best of all a reason. This is what they choose. This is what they choose. Monkey killing, monkey over pieces of the ground. Silly monkeys give them thumbs, they forge a blade and red this on their bound. Survive, so misguided is a mystery. darkness is a creature who is wanna be ability to lift the night of heaven conscious of our fleeting time here. Bird of Harmony qui reprend Right Into du groupe Tool. Alors déjà, si vous avez aimé, ben je vous conseille d'écouter l'original qui est plus ou moins la même chose, mais en beaucoup plus rock, plus métal même. Voilà, donc une chanson, une reprise qui est quand même assez simple dans sa formation, seulement deux guitares, deux voix et une contrebasse. Et vous l'avez entendu, c'est quand même assez, une chanson assez complexe, donc je comprends qu'ils aient fait appel à un contrebassiste pour avoir cette base solide. Vous avez aussi entendu certainement des voitures, des chiens, tout ça. Ben, ça fait partie de la vidéo, parce qu'ils ont vraiment enregistré sur le toit d'un immeuble à Nantes, donc à Bangalore. La ville, c'est Bangalore. Voilà, avec quelques micros. Il y a une vidéo qui est prise sur l'instant aussi. Donc, c'est vraiment avec l'ambiance de la ville, etc. Et je trouve que c'est pas mal. Ça apporte un petit peu de charme, on va dire, à cette reprise. Et voilà, et du coup, quand même des musiciens qui sont vraiment très très stables sur leurs appuis, parce que Tool, c'est pas la chose la plus facile à reprendre, en sachant en plus que c'est une autorité publique, que la guitare électrique, la saturation va faciliter aussi l'écoute d'une chanson. En fait, ça va un peu effacer les erreurs qu'on peut faire, les erreurs techniques qu'on peut faire. La saturation aura tendance à effacer un peu ça. C'est pareil aussi pour la reverb, donc il y a des effets comme ça qui aident aussi à faire passer quelques fausses notes, tout ça. Là, ils sont vraiment, il me semble qu'ils n'ont pas beaucoup d'effets sur la voix. Ils sont sur des guitares acoustiques, et la guitare acoustique, c'est vraiment on ne permet pas l'erreur, quoi. S'il y a une erreur sur une guitare acoustique, on l'entend tout de suite et ça sonne très très vite faux. Là, ils sont vraiment très carrés, ils sont vraiment très bien sur les appuis. Voilà une chanson que personnellement j'aime beaucoup, très calme. L'original est un peu plus métal, mais il y a quand même cette ambiance assez onirique presque, même sur l'original, que je vous conseille d'aller écouter. D'ailleurs, si vous connaissez pas Tool, eh ben on a fait un chronobio dessus, donc n'hésitez pas à aller sur radionoculture.wordpress.com pour écouter ce chronobio sur Tool. C'était Bird of Harmony, je crois que c'est les barbes de l'harmonie, voilà, parce que j'ai senti que les deux sont barbus, voilà, avec Right Into, reprise de Tool. C'est sorti en 2018, alors il me semble pas que ce soit sur un album. Ça, on le trouve sur YouTube. Peut-être qu'ils l'ont mis sur l'album après, mais je ne suis pas sûr. Voilà, c'est sur la chaîne YouTube du contrebassiste, donc Yann Feifet, je ne sais pas. P-H-A-Y-P-H-E-T, Feifet, je ne sais pas trop comment on le dit. En tout cas, voilà, je vous conseille d'aller écouter cette chanson par vous-même, et puis l'original, et puis même Tool en entier. Voilà, et Yann Feifet aussi, le contrebassiste, avec son groupe à lui, EYM Trio, a fait une autre reprise aussi, au moins une autre reprise de Tool, de Lateralus. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette chanson. On se retrouve comme d'habitude demain. Et bonjour, bienvenue dans été.mp3, c'est la troisième émission de ce format quotidien qu'on a mis en place pour cet été. Tous les jours, on vous fait découvrir une nouvelle chanson, et aujourd'hui, pour la troisième édition, on va partir en Gascogne, du côté du Gers, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas pour le chanteur. On va écouter une chanson de Boisson Divine, une chanson qui s'appelle Sucamin Estelat, donc sur le chemin étoilé, si je ne dis pas de bêtises. C'est sur l'album La Haya, est sorti en 2019, voilà, on l'écoute et puis on en parle comme d'habitude après la petite écoute. Boisson Divine. terre. C'est Eric Belair, c'est la bonne épaule. Boisson divine avec Sous Camille Nestelat pour la troisième chanson de cet été, sortie de l'excellent album La Haya, que je vous conseille vraiment d'aller écouter, là comme en français, H-A-L-H-A, voilà, si vous voulez retrouver sur internet facilement. En plus, ils ont mis donc toutes les chansons de l'album sur YouTube avec les paroles en gascon, la traduction en français, en espagnol et en anglais, il me semble aussi. Voilà, donc sorti en 2019 sur l'album que je viens de citer. Et on a donc un mélange d'instruments trad gascon et de heavy metal, mais un heavy metal quand même assez joyeux, un peu pas Iron Maiden, mais quand même assez plutôt entraînant plutôt que diabolique. Voilà, donc c'était le troisième album de Boisson Divine. Je faisais cette chanson, je crois que c'est ma préférée, je crois, de l'album, et c'est vraiment un très très bon album. Je conseille vraiment d'aller écouter. Je parlais de YouTube, hein, mais c'est aussi sur toutes les autres plateformes, donc n'hésitez pas. Boisson Divine qui est d'ailleurs en train de préparer un projet, un spin-off, un side project, je sais pas trop comment l'appeler, qui est parti d'une blague. Donc c'était, je crois, 2022, 1er avril 2022, ils avaient annoncé la sortie du premier album de Moisson Livide, groupe de black metal gascon. Voilà, c'est parti d'une blague et puis finalement, je crois que finalement, ils l'ont fait et que l'album devrait sortir dans les semaines qui arrivent, peut-être même avant. On ne sait pas trop. En tout cas, je vous conseille d'aller écouter Boisson Divine. Voilà, le groupe, c'est le troisième album qui est sorti là, le quatrième, si on peut dire, avec Moisson Livide. Et je sais qu'ils ont aussi un quatrième vrai album de Boisson Divine en cours. De toute façon, c'est plutôt des gens qui ne savent pas vraiment s'arrêter de penser à la musique. Donc il y a moyen d'avoir régulièrement des chansons comme ça. Et en plus, ils ne sont pas avares aussi en petites reprises, en chansons bonus, etc. Il y en a 5 sur cet album-là, 5 chansons bonus. Il me semble qu'entre-temps, il y a une ou deux autres qui sont sorties. Donc, n'hésitez pas aussi à les suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez aussi voir où est-ce qu'ils jouent, les concerts et tout. Je les ai vus, moi, une fois en concert. C'était vraiment, vraiment cool. C'était un die. C'était fort sympathique. Voilà pour Boisson Divine. Je crois que j'ai oublié de rajouter quelque chose. C'est pas très grave. On va s'attraper de ça dans les autres émissions. En tout cas, je vous remercie toujours de nous suivre. N'hésitez pas aussi à aller sur radionoculture.wordpress.com pour écouter toutes les autres émissions de Radio Noculture. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on a fait une émission il y a quelques temps avec Pere Garbagol, c'est-à-dire le sonneur. Je sais pas s'ils disent comme ça en Gascogne aussi. Le sonneur, c'est-à-dire le joueur de il fait la cornemuse, flûte et il me semble qu'il y a un autre instrument aussi qu'il fait sur scène. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur radionculture@gmail.com. On vous enverra le lien de cette interview qui n'est pas sur le site parce que c'est une vieille interview, mais on l'a toujours quelque part. Ne vous inquiétez pas. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message radionculture@gmail.com pour avoir les liens de tout ça. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle chanson. Et bonjour à tous, bienvenue dans été.mp3, vous êtes sur Radio Noculture et aujourd'hui on va parler d'un groupe de rap. Alors, c'est vrai que j'écoute pas énormément de rap personnellement, mais ce groupe là j'avais beaucoup apprécié parce qu'ils font assez n'importe quoi, ils produisent beaucoup de choses différentes. C'est Stupeflip évidemment, avec leur chanson Stupeflip Vite, pardon, c'est pas facile à prononcer, et en plus eux ils le font en rappant. On va écouter donc cette chanson qui sort de l'album Stup Forever, sorti en 2011, et on en parle après. C'est Stupeflip Vite. Moi je suis Rascar Kapak et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince. Tous les mardis pour te serrer la pince, donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui veut très hack, écoute cette personne qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou le nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémiens marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. J'coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate. Mais c'est l'hypocrisie totale, peu d'espoir que ça dérange. C'est la partie générale, peu d'espoir que les gens changent. Mais stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même si les crames est dans les snacks. Tu l'as séquestré. Dans le crâne, faire un petit tas, c'est obscur que je cause. Qui est en toi, qui se cause. Dans ton fort intérieur, y'a un enfant qui pleure. Toi, tu te sens plus, lui, il se sent mal. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Tu reconnais le petit gars qui est en toi. Le ptio, la ptiote qui chiale, l'enfant, c'est toi. Tu préfères te cacher, faire le steak haché. Sous vide, t'as du mal à respirer. C'est toi là-haut, dans la cour des grands, qui fait semblant. Cote le fanfaron, la pétale qui tourne en rond. Tu crois gérer. Il est mort, le pio que t'étais. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même si les crames est dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même si les crames est dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chie pour la tarte. Je viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4x4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Noir les petits chats, tu les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Full centre. fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à pétard où je bloque. Alors laisse-moi triper, laisse frayer, ou m'en varie de l'homme. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Ah, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné. Même s'il est cramé dans les snacks. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté. Baïonné, ligoté. Stupéflip vite, c'est le nom de la chanson. Stupéflip, c'est le nom du groupe. C'est sorti en 2011 sur Stup Forever. Voilà, un groupe assez atypique. Donc, géré, on va dire, mené par deux rappeurs. Il y en a un en particulier. J'ai oublié les noms, je veux dire, les pseudos des gens, mais c'est Julien Barthélémy et Stéphane Bélanger qui sont à la tête du Stupéflip Crew. Et voilà, donc déjà je vais vous dire d'aller voir le clip parce que c'est n'importe quoi. Ils sont c'est une espèce de, ils sont habillés en chevalier, mais plutôt façon dégueulasse, sur un fond vert tout aussi dégueulasse. Et puis voilà, ils sont, c'est des personnages qui sont masqués tout le temps. Il y en a un qui a une espèce de, je sais pas comment dire, de chapeau de Napoléon mais qui vient sur son visage, et un autre qui a simplement une cagoule absolument dégueulasse. Je crois qu'il a lavé une fois et apparemment c'était marrant. Voilà, Stupéflip qui fait des choses extrêmement différentes. Moi j'aime bien cette chanson pour son côté encore une fois un peu grandiose, avec son instrumental qui est simple mais qui marche vraiment bien avec ses gros effets de violon, etc. Et donc, Stupéflip qui fait des chansons différentes, puisque on aura ce genre de truc. À côté, on a Depuis que je fume plus de shit, qui est une espèce de chanson qui pourrait être une chanson pour enfants s'il n'y a pas ces paroles, des paroles aussi débiles. Et puis, il y a la suite, Depuis que je refume du shit, voilà, qui parle des méandres de la drogue. Et voilà, Stupéflip qui a tendance à faire des chansons comme ça assez agressives, que ce soit déjà dans l'instrumental, mais aussi dans dans les allitérations, ça, dans les choix des mots qui sont souvent des allitérations, si c'est les bons termes, en R, qui sont très agressifs, crack, trucs comme ça, qui vont souvent utiliser ce genre de trucs, et des clips qui sont absolument n'importe quoi. Il faut dire aussi que Stupéflip a monté le crew, C-R-O-U, et qu'en fait ils ont une espèce de lore, comme on dit aujourd'hui, une espèce d'histoire interne qui va jusqu'en 2999 comme ça. Et donc c'est l'histoire du crew de Stupéflip qui se bat contre une entité démoniaque qui s'appelle la menuiserie. Alors j'avoue que j'ai pas trop suivi l'histoire, je sais pas s'il est terminé ou quoi. Il va falloir se faire tous les albums, je pense, de A à Z pour essayer d'avoir le fait mot l'histoire, même si voyant les mecs, je pense que c'est assez cryptique et je suis pas sûr qu'ils savent vraiment jusqu'où ils vont. Peut-être qu'ils balancent juste des morceaux comme ça un petit peu au pif. Voilà, Stupéflip avec Stupéflip vide, décidément je vais pas y arriver, sorti en 2011, évidemment c'est disponible sur toutes les plateformes, mais je vous conseille quand même, si vous avez aimé ça, d'aller voir le clip sur YouTube. C'est assez marrant, et puis comme beaucoup de gens, vous allez vous faire happer par ce groupe. Voilà, même si vous êtes pas un gros fan de rap, hein, moi-même je suis vraiment pas un gros fan de rap, mais j'avoue que Stupéflip c'est quelque chose qui m'a fait entrer dans leur monde, et c'est assez cool. Voilà, c'était la chanson d'aujourd'hui, Stupéflip vite, du groupe Stupéflip. À demain. Et bonjour, 5e édition de été.mp3, votre émission quotidienne de l'été. Aujourd'hui, on va parler de Fist and Furious, un groupe de métal basque avec la chanson Dirdilalen Oyoa, sortie en 2022. Et on en parle après, comme d'habitude. Dirdilalen Oyoa. Dirk Diladen, Oyoa, on écoutait la chanson de Fist and Furious. C'est sorti en 2022 sur, je dis sur YouTube, mais un peu partout. Alors ça fait pas vraiment partie de l'album. Ils ont sorti 4 chansons différentes, voilà, 4 singles, pour dire simplement. Cette chanson s'appelle Dirk Diladen, Oyoa. Déjà, la première chose, c'est que si vous avez aimé, n'hésitez pas déjà à écouter les autres chansons. Et surtout qu'on a fait une interview avec eux, c'était en début d'année, en octobre, comme ça peut-être, sur la boîte à gants, donc une émission que vous pouvez retrouver sur radionoculture.wordpress.com. Comme ça vous en saurez plus sur Fist and Furious. En attendant, je peux vous dire donc que c'est un quintet, maintenant j'allais dire quatuor, mais ça a changé. 2 guitares, une basse, un chanteur et une batterie. Et voilà, un métal qui est quand même assez, qui n'est pas que bourrin, qui est plutôt intense, mais qui a à voir ses notes, ses petites parties mélodiques avec des changements, ces changements d'accords. Et c'est, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un solo? Ce qu'il y avait à la fin, plutôt, c'est mélodies très aiguës à la guitare, très très réverbérées. Et puis petite mention spéciale pour le petit riff à la basse qui arrive à peu près en milieu de chanson, quelque chose qu'on a assez peu l'habitude d'entendre et qui marche vraiment très très bien, très très bien ici. Voilà, Fist and Furious qui s'est mis en pause, je crois, pour l'instant, parce que un des membres vient de devenir papa, donc félicitations à lui. Et que vous pouvez retrouver, je crois, à partir d'août ou septembre, je crois, sur les planches. Voilà, pareil, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus du groupe? Voilà, un groupe qui a un guitariste qui n'a pas d'ampli. Et oui, parce que ça peut se faire maintenant de plus avoir l'espèce d'énorme machine. Maintenant, c'est des pédales qui font office d'ampli, donc ils vont simuler le son de l'ampli et qui vont aller directement après sur la table de mixage. Et puis eux, ils vont s'entendre dans le retour, donc soit au pied, soit directement dans les oreilles. Et donc ce même guitariste qui a aussi cet effet que moi j'aime beaucoup. Il a une pédale d'expression, on appelle ça, vous savez, c'est les wah-wah, les pédales sur lesquelles on peut appuyer plus ou moins pour avoir plus ou moins d'effet. Il va utiliser ça avec une réverbération, c'est-à-dire que plus il appuie, plus il y aura de la réverb, et donc il va pouvoir, en accompagnant ça avec un jeu un peu particulier, un peu dans les aigus, faire des vraies nappes de guitare qui sont pas méga agressives, mais qui vont bien remplir le spectre et qui vont bien être là pour pousser tout le reste vers les cieux, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc voilà, pour Fist and Furious, que vous pouvez retrouver partout, cette chanson c'était Dirk Diladen, Oyoa, sortie en 2022. Voilà pour la première semaine de ce nouveau format, été.mp3. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve nous à partir de lundi, évidemment, comme d'habitude, à 7h sur Radio No Culture, ou alors vous pouvez réécouter toutes ces émissions sur radionoculture.wordpress.com. À lundi.